Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition dans l'édition du 16 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que la saison des rapides de Boumsesni est maintenant chose du passé. Hier, les rapides ont perdu par la marque de 80 à Mastouillage pour perdre en trois rencontres la série 3-5 contre les Hurricanes. Pour les Hurricanes, c'est Nathan Fortin, Nicolas Gauthier, Calvin Liboivin et Joey Goulin ont marqué des buts pour les Hurricanes. Et ça va mal également pour du côté des Sabres d'Orberval dans la Ligue junior régionale. Les Sabres qui ont perdu 9 à 1 hier contre les Marquis. Demain, les Sabres d'Orberval feront face à l'élimination dans le cadre du quatrième match qui aura lieu au nouveau centre sportif Benoît Lévesque de Roberval. On sait que la série entre le multiconcessionnaire de Boumsesni et la Haute-Côte-Nord va commencer en fin de semaine au complexe sportif du secteur d'Odolbeau. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, l'instructeur associé Sylvain Bonneau a mentionné évidemment que l'équipe est prête et à faire face à la musique. Bonne offensive. Ils ont deux lignes qui peuvent faire mal. À peu près toutes les équipes dans la Ligue ont quand même une offensive à deux bonnes lignes. C'est la profondeur que nous autres, on a de plus, puis on est capable, on a de meilleures défensives. Okay. Si nos blessés reviennent, okay. Ça veut dire qu'on est capable de se placer, de bien se positionner. Sylvain Bonneau a mentionné que l'avantage de la glace n'est pas nécessairement un avantage dans les séries puisque son équipe est capable de gagner à l'étranger. Oui, mais pas plus que ça. Parce qu'on est à l'aise ailleurs. Okay. On a gagné à Forêt, on a gagné à Haute-Côte-Nord, on a gagné à Jonquière toute l'année. On a même gagné à deux matchs à Charlevoix. Fait qu'on n'est pas, on ne sent pas mal ailleurs. On est très à l'aise. Puis c'est nous autres qui décident. Okay. Je quitte la partie. C'est à nous autres à faire nos propres travails. Puis à partir de là, il n'y a aucun problème avec ça. Actuellement, 28 joueurs qui sont disponibles pour jouer dans la série contre la Haute-Côte-Nord. Et c'est bien bonheur de mentionner que les 28 joueurs devraient voir de l'action. Ils peuvent jouer, là? Présentement, j'ai 28 joueurs qui sont admissibles. OK. Parce qu'il faudrait qu'ils jouent au minimum 5 matchs. OK. J'ai 28 ou 30 joueurs admissibles aux séries. Et les 28 vont participer parce que on change pas l'aspect du senior, que les joueurs, ils travaillent sur des chiffres. Des fois, ils sont disponibles une fin de semaine sur deux. Les 28 joueurs vont être appelés à... Il y avait conférence de presse hier à Ville-Saguenay où on a annoncé évidemment qu'une étude sera réalisée au cours des prochains mois pour avoir un nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay pour les Saguenay de Chicoutimi. Donc une étude pour un projet de 70 millions pour un nouvel amphithéâtre en plus d'une autogare et de 700 espaces de stationnement. En plus d'un nouvel amphithéâtre, il y aura possibilité de faire des spectacles dans ce nouvel édifice. Par ailleurs, des travaux de 3,2 millions seront faits pour rendre le système de chauffage plus performant et une entrée électrique et des travaux mineurs sur le toit du centre Georges Vézina. La ville compte évidemment économiser 75 000 $ par année puisqu'ils cesseront de déneiger le toit en plein hiver. Le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, a terminé hier au 10e rang lors d'un tournoi de golf qui se déroulait à Tampa Bay. Bédard a joué 73 et a terminé le tournoi à plus 1. Et le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif sera à l'Université du Québec à Chicoutimi lundi pour rencontrer et faire bouger les jeunes de la région entre 10h et 14h30. Le joueur des Chiefs de Kansas City fait actuellement le tour de 6 universités, soit Bishop, Concordia, Laval, McGill ainsi que Trois-Rivières. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le président du hockey mineur de Roberval, Hugo Maltin. Sylvain Bonneau vient nous parler de la série entre le multiconcessionnaire et la Haute-Côte-Nord qui débute en fin de semaine. Et vous pouvez également écouter Gilles Péloquin qui nous fait le compte-rendu des séries dans la Ligue nord-américaine de hockey. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.